Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui dans la chronique, je vous parle d'animaux qui utilisent des armes secrètes dignes des gadgets les plus farfelus utilisés par James Bond, l'agent 007, pour se sortir de situations compliquées. Bombes, gel collant, scaphandriers et autres moyens de défense musclés sont au programme. J'aurai ensuite la chance de recevoir Eric Serre, animateur, directeur artistique, cofondateur de la société Scope d'animation Les Fées Spéciales à Montpellier et co-réalisateur avec Annie Scholler du film et de la série Bonjour le Monde qui met merveilleusement en scène un biotope et ses espèces animales emblématiques grâce à la technique du stop motion. Bonjour Eric et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. L'agent secret 007 James Bond a tout ce qu'il faut pour déjouer les plans les plus machiavéliques qui voudraient attenter à sa vie. Fourni par l'agent Q, James a eu entre les mains des petites merveilles de technologie novatrice. Jetpack, respirateur sous-marin miniature, stylo plume incendiaire et bien sûr, la célébrissime Aston Martin, bolide suréquipé capable de semer des clous ou balancer des bombes lacrymogènes pour faire battre en retraite tout poursuivant, même les plus méchants. Sachez que même les scénaristes les plus inventifs de la série sont bien loin d'arriver à la cheville de Dame Nature. Certains animaux ont dans leurs manches tous ces gadgets-là, mais en mieux, jugez plutôt. Regardons d'abord du côté de ceux qui aiment l'eau. L'argyronette, une petite araignée aquatique européenne, en est un exemple frappant. Équipée d'une trachée et non de branchies comme les poissons, elle est dépendante de l'oxygène du milieu extérieur, mais passe pourtant la plupart de sa vie sous l'eau. Elle tisse une toile étanche capable d'emprisonner l'air dans une bulle. L'araignée fait ensuite des allers-retours à la surface, emprisonne les bulles d'air entre les poils de son abdomen et fait ainsi gonfler sa cloche sous-marine jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une noisette. Elle peut ainsi s'y installer pour manger, muer, s'accoupler, vivre sa vie en fin de compte. Mieux qu'un scaphandre. Sa technique a inspiré les premières cloches à plongeurs qui reprennent le même principe. Sternus longitarsis, un coléoptère au corps allongé, sécrète pour sa part une substance chimique qui rompt la tension superficielle de l'eau, ce qui lui permet de se propulser à grande vitesse à sa surface, mieux qu'un jet ski. Pour ce qui est des prouesses acrobatiques, l'exemple le plus emblématique, inspirant tous les braqueurs amateurs est sans nul doute celui du gecko, capable de courir à la verticale sur les surfaces les plus lisses. Ces petits lézards possèdent des coussinets adhérents sous les pattes et parfois sous la queue. Des études microscopiques, dont celle publiée en 1965 par Rodolfo Ruibal et Valérie Ernst dans le Journal of Morphology, a révélé que chaque patte du gecko comportait près de 500 000 poils de kératine appelés sétules. Chacune de ces sétules se divise en centaines de spatules microscopiques qui collent le gecko à son support grâce à un phénomène appelé liaison de Van der Waals. Atomes et molécules adhèrent grâce à des vibrations électromagnétiques et l'adhésion des sétules des pattes du gecko sur le support ne dépend que de leur taille et non de la composition de la surface sur laquelle adhérer, comme cela a été décrit dans l'article de Kellar Autom et son équipe, publié en septembre 2002 dans le journal PNAS. Un gecko peut supporter l'ensemble de son poids avec un seul de ses 5 doigts, et il peut même continuer d'adhérer à son support une fois mort. James Bond fait régulièrement usage de produits chimiques, poisons et bombes lacrymogènes pour se défaire de ses poursuivants. Là aussi, il n'est pas le premier ni le plus original. Le scarabée tortue, Stolas cuculata, appartenant à la famille des Cassides et originaire du Guatemala, est un joli petit coléoptère tout caparaçonné. Vert bleu et orné de 2 points rouges sur chacune de ses élytres. Comme ses jolies couleurs l'indiquent très efficacement, il est toxique. Mais en plus de ça, il a recours à une deuxième arme secrète, une superglue. Si une fourmi affamée vient le tâter d'un peu trop près, il sécrète une substance collante qui colle les mandibules de ses prédateurs, les laissant toutes penaudes et complètement incapables de le goûter. Notaden Benetti, une grenouille fouisseuse australienne qui ressemble grossièrement à un gros champignon rond tacheté, appelé aussi grenouille crucifix en anglais à cause du motif de croix qu'elle arbore fièrement sur le dos, utilise la même technique. Pour se débarrasser des insectes qui en veulent à son sang, comme les moustiques qui pullulent sur la côte ouest australienne, notre grenouille produit une glu sur sa peau qui colle les bestioles. Mais encore plus fort, elle les mange ensuite, en apéro, en se débarrassant de sa peau. Pour semer les prédateurs et les surprendre, nous avons aussi quelques sérieux candidats qui n'hésitent pas à en faire des caisses. L'un des plus emblématiques est du genre explosif. Il s'agit encore d'un coléoptère, le grand bombardier. Sa stratégie à lui, quand il est menacé, c'est d'aveugler son agresseur en lui envoyant un jet de liquide bouillant dans la face. Le tout s'accompagne d'une détonation bruyante qui lui a donné son nom. Boum ! Effet garanti. Dans un autre genre, mais qui a aussi ses adeptes, Melanotus lanceatus, un autre coléoptère assez banal, joue aussi sur l'effet de surprise. Les Anglais l'appellent Click Beetle, scarabée Click. S'il se sent en danger, il se met sur le dos et enclenche un mécanisme qui lui permet de se projeter dans les airs avec un clic bruyant et sonore. Ainsi éjecté, il fait un salto dans les airs et retombe sur ses pattes pour filer devant le nez du prédateur médusé. En matière d'effets dramatiques, le plus visuel et le plus graphique reste sans doute le crapaud cornu, également appelé tapaya, et qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas du tout un crapaud. C'est un petit lézard beige, hérissé de picots et originaire d'Amérique du Nord. Lui, son gadget, c'est l'auto-hémoré. C'est-à-dire que lorsqu'il est menacé, il est capable de projeter du sang par le coin de ses yeux, et ce, jusqu'à 1,50 m de distance. En plus, ce sang répulsif contient une substance irritante, au goût désagréable, qui viendrait de la toxicité des fourmis dont il se nourrit. Un article de 2001, publié dans le journal Copeia par Wade Sherbrooke et George Middendorf, révèle que les crapauds cornus utiliseraient surtout cette technique contre les coyotes, chiens et autres canidés, mais qu'ils renonceraient à utiliser cette technique face aux oiseaux comme le géocoucou. Les larmes de sang n'impressionnent donc pas tout le monde. Un dernier pour la route. Celui-ci pourrait figurer au tableau des super-vilains. Il s'agit de la grenouille poilue, originaire d'Afrique. Elle est très facilement reconnaissable à ses longs filaments hirsutes qui recouvrent ses flancs et qui ressemblent à des poils, ce qui lui a valu son nom. Mais sa plus grande originalité réside ailleurs. Elle est capable de casser les os de ses orteils pour qu'ils transpercent sa peau et sortent comme des griffes sous ses ventouses à l'extrémité de ses doigts. Mieux que Wolverine. David Blackburn et son équipe ont étudié ce mécanisme de défense plutôt original dans un article publié en 2008 dans le journal Biology Letters. Contrairement à toutes les autres griffes du monde animal, celles-ci ne sont pas recouvertes de kératine. Ce serait aussi le seul vertébré connu qui rend ses griffes fonctionnelles en traversant la peau. Comme Blackburn a seulement pu faire ses observations sur des spécimens morts, on ignore encore si la grenouille peut rétracter ses griffes comme un chat ou si elle reste sortie. Le mystère reste entier. Explosions, poisons, diversions chimiques et olfactives, super-adhésifs et autres repères sous-marins secrets existent déjà dans la nature et feraient pâlir d'envie l'agent Q et ses super-gadgets. Une preuve encore, s'il en est, que l'évolution a déjà presque toutes les solutions. N'en déplaise au service secret de Sa Majesté. Revoici avec notre invité Eric Serre, animateur, directeur artistique, cofondateur de la société Scope d'animation Les Fées Spéciales et co-réalisateur avec Annie Scholler du film et de la série Bonjour le Monde. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre parcours ? Alors, comment c'est un parcours de 25 années déjà autour du cinéma d'animation. Alors, j'ai eu un bac scientifique. D'accord. En biologie, et j'imaginais en fait continuer dans cette voie. Mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, j'ai choisi le dessin. Parce que j'ai été fasciné dans les livres justement de science par les représentations de l'infiniment petit, entre autres. Et alors ça me faisait penser à un film de science-fiction, des formes extraordinaires, des propriétés. Donc je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à trouver entre la science et le dessin, mais... les choses étant, la science s'est écartée petit à petit et j'ai donc suivi une formation artistique aux Beaux-Arts de Pau. D'accord. Je suis originaire donc de la ville de Pau, je suis béarnais. Et ensuite après, je suis monté à la capitale, comme on dit, et j'ai appris à Paris. et j'ai appris le cinéma d'animation dans une école qui s'appelle les Gobelins, CFT Gobelins. École très réputée, complètement. Voilà, qui forme vraiment au métier d'animateur, principalement, et ensuite après, tous les métiers autour du cinéma d'animation. Voilà, et il y a 25 années que je continue dans ce domaine, en, en changeant au fur et à mesure de poste. Donc j'ai commencé d'abord comme animateur, puisque c'était mon métier. Je suis parti travailler en Angleterre sur un long métrage avec le studio Amblin, qui s'appelait Balto, chien des neiges. C'était un animal déjà. Avec un chien de traîneau. Chien de traîneau, une histoire vraie. Donc c'était le studio de Spielberg en Angleterre. Ouais, donc même. C'était vraiment une première expérience très intéressante et très formatrice. Et ensuite, le studio a décidé de partir à San Francisco. Et avec un ami, ben, moi, j'ai décidé de rentrer en France pour, retrouver ma bien-aimée. Et ensuite, après, faire mon court-métrage. Donc, c'était comme quelque chose d'un petit peu fou de refuser un long-métrage américain pour faire son court. Mais c'était un processus normal. Il fallait se lancer. Ouais. Voilà. Et de retour en France, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Ousselot, un réalisateur qui était primé en... pour ses courts-métrages, mais qui faisait son premier long-métrage qui s'appelait Kirikou et la sorcière. Voilà, donc c'est une histoire qui a duré des années et des années. J'ai su rester avec Michel et faire d'autres choses, mais on a fait Azur et Asma, Les Contes de la Nuit, et le dernier, ben, Dididi à Paris. À Paris, complètement, qui est sorti l'an passé. Voilà. C'est ça. Et ça a été l'occasion aussi de changer un peu de... Une fois Dididi fait, et même un petit peu avant, et j'ai voulu changer un petit peu mes horizons. Élargir le dessin stricto sensu et l'ouvrir au cinéma documentaire, au film de musée, au documentaire scientifique aussi. Donc petit à petit, voilà, je me redirige peut-être vers les anciens vers amours. La science. Oui, et mélanger en tout cas les deux. Et c'était l'objectif de la société que j'ai cofondée il y a 4 ans, la société d'effets spéciaux à Montpellier avec 3 comparses. Et c'était un des objectifs, c'est un, continuer à faire les métiers comme on les aime, comme des artisans, être maître de ses outils, utiliser les logiciels libres et aussi apporter l'animation justement dans des domaines qui sortent du cinéma et de la télévision. Surtout que c'est de plus en plus apprécié. Enfin, il y a pas mal de musées, de structures qui aiment maintenant faire appel à toutes ces nouvelles technologies, entre guillemets, parce que nouvelles avec des guillemets, mais qui aiment mettre des écrans, qui aiment rajouter du plus à leurs expositions, à leurs spécimens. Donc, vous, par votre société d'animation, l'effet spécial, donc je suis allée farfouiller sur votre site, et j'ai vu que là aussi, vous aviez des sujets qui étaient quand même beaucoup en lien avec la biodiversité, l'écologie. Vous avez travaillé sur le documentaire Antarctica pour Arte, ou un film sur le criquet de la croc, ou alors une web-série sur l'Amazonie pour le Muséum de Toulouse, c'est oui. bien ça. Oui. Est-ce que, du coup, ces projets, comment ça se passe? Vous, quelle est votre implication? Est-ce que vous travaillez sur l'animation, sur la gestion globale des projets? Comment est-ce que ça se passe? Alors, mon regard, il est très large, puisque c'est un peu l'expérience professionnelle aussi qui a été la mienne, m'a permis de concevoir à la fois des histoires, de savoir les dessiner et de pouvoir les faire bouger. Voilà. Bon, on ne peut pas tout faire tout seul, donc il faut bien une équipe autour de soi. Mon rôle, il est aujourd'hui plus d'encadrement que de fabrication, mais c'est une organisation aussi assez... strict, hein, puisqu'il faut faire beaucoup d'étapes entre le dessin préparatoire et le film fini. Ça nécessite une longue et un long processus et pas mal de métiers, en fait. Donc, les projets que l'on a réussi à faire au sein de la société ont tous un intérêt alors artistique, social, de transmission des savoirs, de point de vue aussi sur le monde. Antarctica, c'était à la fois une exploration scientifique, une exploration, une aventure humaine autour du réalisateur Luc Jacquet et toute une équipe autour de lui, Jérôme Bouvier, Vincent Munier, donc des photographes et des directeurs de la photo très performants dans le documentaire animalier. Voilà, de les rejoindre, non sur le terrain, mais on va dire dans la conception, dans la présentation de leur aventure, m'a passionné et on a réussi à fédérer une équipe autour. On a conçu des cartes, on a conçu des représentations des processus biologiques des animaux. Voilà, comment mettre en image des choses abstraites qui sont des résultats d'études et des observations. Moi, le dessin est là pour montrer ce que la caméra ne peut pas filmer. Oui, c'est ça, j'allais dire que vous êtes une couche supplémentaire par rapport au documentaire, parce qu'il y a l'image, mais vous allez encore expliquer des choses qu'on ne peut pas voir autrement. C'est vrai que le système digestif du phoque ou comment évoluent les forêts, etc., c'est des choses qu'on peut rajouter grâce à la magie de l'animation. Oui, exactement. Et donc, vous parlez aussi d'un film qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Il était une forêt, donc de Luc Jacquet, un documentaire sur les arbres. Moi, j'ai dit banco, parce que faire un film sur un arbre, je dis chapeau, parce qu'il faut que ça bouge, un film, normalement. Oui, et un arbre, ça ne bouge pas. Mais si, en fait, les arbres aussi peuvent bouger, et on l'apprend dans le film. Donc, tout ce qui touche à l'arbre, je l'ai appris, alors que les arbres, j'en côtoie tous les jours. Donc, c'était vraiment un déclencheur pour moi, pour revenir à ces sujets. Et on parlait tout à l'heure du criquet de l'accro. C'est un insecte, un criquet, on va dire, parmi d'autres. Non, il n'existe que à cet endroit-là du monde, dans la plaine de l'accro. Et en plus, c'est un criquet qui ne saute pas, qui est un gros insecte, qui est camouflé, on ne le voit pas, il disparaît, mais on ne peut pas l'aider. Donc, j'ai voulu faire un film avec les spécialistes du genre pour... montrer qu'est-ce que c'était que ce criquet pour que le grand public puisse aussi avoir accès à ses connaissances. Et est-ce que vous pensez que le... Parce qu'on pourrait dire, par exemple, le criquet, qu'il pourrait y avoir le choix d'utiliser des images filmées de l'animal en vrai. Est-ce que l'image, l'animation, ça donne une dimension qui fait qu'on s'y attache plus facilement? Est-ce que ça touche un public plus large? Quelle serait la force de l'animation sur ces projets-là? Oui, il y a quand même dans un premier... une première utilité, on va dire, elle est presque poétique. Il y a une dimension du dessin qui s'adresse à notre imaginaire. Une photographie a cet avantage d'être très belle, très précise, mais il y a une distance quasiment. On a besoin de digérer un peu l'image pour bien la comprendre. Et le dessin, je crois, depuis le début, quand on fait des planches anatomiques, on dessine les choses, on peut les photographier, mais le dessin reste un élément d'observation intéressant parce que l'œil détecte le principal. On va mettre en valeur plus que dans une photo une fonction, par exemple la forme de la patte ou les petites ouvertures sur le côté. L'insecte respire par son abdomen. Dans la réalité, on ne le voit pas sur la carapace, à moins d'avoir une loupe. Moi, j'ai la force de ça avec mon dessin. Je peux grossir les trous, ce n'est pas tout à fait la vraie morphologie, mais c'est inspiré d'eux. Et je crois que la force du dessin tient à ça, c'est la compréhension. Ensuite, après, il y a aussi une volonté, à mon avis, sur le criquet, c'est de ne pas être intrusif sur le terrain. On fait un film d'animation avec nos machines, mais on n'est pas sur le terrain. L'animal est en voie de disparition. On ne va pas risquer de l'écraser ou de le déranger. D'aller l'embêter complètement. Donc, ça fait partie du plan de protection aussi de l'animal. Et c'est une démarche scientifique qui a été intégrée. Donc ça, c'était une nouveauté pour moi, de franchir ce pas, de faire partie d'une étude scientifique. Alors, j'ai participé avec eux sur le terrain à des études. J'ai pris des notes, j'ai fait des photos, mais ensuite, après, il a fallu en faire un film en synthétisant. Oui, et puis qu'il soit efficace, parce que c'est un... Bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Je donnerai toutes les références à la fin de l'émission. Mais il est très court, c'est un film de 3-4 minutes, je crois. Un film de 3 minutes. Ouais, c'est ça. Oui. Et vraiment, c'est l'idée de présenter les enjeux autour de cet animal, de le montrer. Il y a aussi plusieurs types d'animation. Je crois qu'on passe de la 2D à la 3D à un moment donné. On peut tourner autour de l'animal. Oui. Et du coup, il y a plein de techniques différentes. Mais l'idée, c'est vraiment de synthétiser tout ce qu'il y a à savoir et pourquoi cet animal est en danger et pourquoi il faut le protéger. Oui, on a choisi l'outil le mieux en fonction de l'utilité, là aussi. Faire un décor ne nécessite pas une complexité de la 3D. Et j'ai choisi d'utiliser, par contre, l'image de synthèse pour le héros, le criquet, parce qu'on devait le voir sur tous les axes et qu'il ne soit pas déformé par ma maladresse de dessin. C'était, semble-t-il, un moyen fiable d'arriver à démontrer la morphologie, les processus de déplacement, voilà. Et dans ce film, on essaye d'élargir là aussi le point de vue. C'est un film de 3 minutes, donc c'est très court, on ne peut pas tout dire, mais on dit le principal, c'est quelles sont les raisons, où est-ce qu'on en est de l'étude de ce personnage et quelles pourraient être des solutions pour sauver cet animal qui est en danger critique d'extinction. Donc c'est aussi offrir en 3 minutes une solution. Et j'ai appris que la dégradation des terrains est la raison principale des pertes en biodiversité de tous nos territoires. Ouais. On fragmente le territoire, donc on met en danger aussi toutes les espèces qui y vivent. Donc ça, c'est notre responsabilité d'être humain. On vit à côté d'eux, faisons attention. Et ce genre de message, même très court, passe très bien le message. Alors, on le disait aussi en début d'émission, outre donc ces nombreux projets que je vous invite à aller découvrir sur le site des faits spéciales, vous avez co-réalisé le film Bonjour le monde avec Annie Scholler, qui met en scène 10 espèces animales fabriquées sous forme de marionnettes, de papier et animées image par image. Alors, on écoute la bande-annonce. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu viens de naître. Et j'étais où avant ? Dans un œuf. Et avant l'œuf, j'étais où ? Dans un oiseau. Et avant l'oiseau ? Dans un œuf. Viens voir. Il y a de nouvelles naissances dans le monde. Quelqu'un peut me dire qui je suis ? Eh oh ! Il y a un papa ? Une maman ? Bon, je suis née. Qu'est-ce qu'on doit faire après ? J'aimerais bien savoir d'où je viens et qui je suis. Apprends à connaître le monde, tu sauras qui tu es. Oh, c'est long, c'est long. Quand ce sera mon tour, je veux un plus gros poisson. Ça, ça se mange ? C'est un cyclops et c'est lui qui te mange. Oh. Plus petit. On dirait que tu as grandi. Grandir, moi j'aime bien. Alors, prêt à découvrir le monde ? C'est parti ! Excusez-moi, je suis pressée. J'ai tellement envie de voir le monde. Alors, première grande question, comment est né ce projet ? Comment est né Bonjour le Monde ? Alors, le projet est né en 2009, si je ne me trompe pas. Donc il y a 10 ans. Oui. hier. Voilà, c'était hier et pourtant ça nous semblait long. Annie Scholler, qui est l'auteur littéraire et la sculptrice du film, donc est une amie depuis le CFT Gobelin. Donc on a appris le métier ensemble et on a eu la chance de travailler sur les longs métrages dont j'ai parlé avant. Donc on se connaît. Et en 2009, elle m'a parlé de cette histoire voilà, d'arriver à vivre avec des animaux, de voir dès leur naissance jusqu'à l'âge adulte le processus de maturation de l'animal et ses questionnements qui pourraient se poser autour de la variété aussi des animaux qu'il y a dans le monde. Donc c'était un projet un petit peu vague, mais il y avait vraiment déjà en 2009 une trame, quoi. La trame et puis tout ce qui fait le charme de ce projet. Et moi j'ai dit à Anis, très bien, moi je veux bien travailler sur ce projet-là et puis il faut le faire avec tes sculptures parce qu'Anise Keller est une sculptrice naturaliste. Et elle m'a dit, mais c'est impossible, c'est trop complexe, je fais des sculptures en papier mâché, ça ne bouge pas, c'est pas flexible. C'est fragile, ouais. Fragile, pas trop, mais en tout cas c'est rigide, ça ne bouge pas. Pour l'animation, c'est compliqué. Et ouais. C'est très long à faire. Un dessin, ça prend quelques heures, une sculpture, ça prend des jours. Oh, je lui dis, on va bien trouver une solution. Donc, elle m'a pris au mot. Et elle m'a proposé de co-réaliser ce projet-là qu'elle avait écrit. Et ça a été à chaque jour une vraie découverte, une vraie aventure. Et oui, ça a duré 10 ans, mais c'était un clin d'œil. Donc, c'est à la fois un défi et l'envie de donner vie à ces sculptures. Mais l'idée de prendre ces sculptures et d'utiliser la technique du stop motion, on y reviendra, qui est quand même une technique particulière. Du coup, ça vient de vous ? C'était ça l'idée ? Non, mais c'est la seule technique qui existe aujourd'hui pour faire bouger des sculptures. Des sculptures, ouais. Voilà. Alors, c'est pas venu d'un coup, hein, puisque je n'en avais jamais fait. Annelise avait fait des sculptures, mais ne les faisait pas bouger. Donc, on a appris. En fait, aucune technique n'est un obstacle. Il suffit de s'y pencher un petit peu et on trouve des solutions. Alors, ça s'est fait par des processus, on va dire, classiques de production. On a fait alors, ce qu'on appelle un petit teaser, un petit extrait, puis après un pilote. Avec sans arrêt des obstacles à surmonter, alors des obstacles des fois intellectuels de nos partenaires, des obstacles techniques. et des obstacles financiers. Mais en 2015, le pilote a été distingué au Festival d'animation d'Annecy. Nous avons reçu le cristal de la production télé. Parce qu'on a commencé à voir quel était le meilleur moyen de rentrer, on va dire, dans les médias, c'était la télévision et pas le cinéma. On n'arrivait pas à trouver de quoi faire un film. Un distributeur tout de suite pour le film, oui. Voilà, donc ça s'est amorcé. Et en gros, toute la fabrication de ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on voit bouger a été fait en moins de 2 ans. D'accord. Donc l'aventure est longue, mais... les phases de fabrication, l'action a été très ramassée, surtout sur la fin. Et parce que j'imagine aussi que vous aviez des deadlines, non, pas vraiment. Oui, bien sûr, ce sont des. Alors le cinéma d'animation et le cinéma en général, c'est quasi militaire. On ne fait rien tant qu'on n'a pas un budget. Oui, complètement. Une fois qu'on a le budget, c'est par, on va dire, un processus qui peut prendre des années. On fabrique avec des durées, chaque étape est chronométrée quasiment. Donc c'est très précis et on a eu un calendrier à suivre. Alors avec bien sûr des sueurs des sur certains animaux. De... Ouais. Oui, parce que là on s'aperçoit que quand on essaye d'imiter, on va dire, la morphologie animale et son processus de mouvement, eh ben, rien n'est simple. Et l'insecte, le mammifère, l'oiseau ne se ressemblent pas. Et ils ont une autre morphologie. Donc, il faut tout adapter et réinventer. Parce que justement, j'allais y venir. Donc, on va y revenir, mais il y a plein d'espèces très différentes, que ce soit de l'amphibien, du mammifère, de l'oiseau. Est-ce qu'il y a des animaux que vous avez dû écarter parce qu'au niveau des contraintes techniques, vous n'y arriviez pas? Alors, le choix des animaux n'est pas fait en fonction de ce que l'on n'arrive pas. Parce que, d'accord, ça fait partie un peu d'un muscle intellectuel. Si ça résiste, ce n'est pas obligatoirement qu'il faut abandonner. Je pense ça sur beaucoup de sujets, parce que justement, cette difficulté est aussi un stimulant. Non, le choix a été fait plutôt sur la variété. D'accord. Qu'on essaye d'être représentatif des inventions, on va dire, du vivant. Alors, il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les insectes, il y a les mammifères. On a fait 10 espèces, on va dire, assez soutenues. Après, il y a plein de petites espèces qui sont... Enfin, d'autres espèces qui ont été fabriquées, mais qui ont moins d'action dans le film. Donc, ce choix a été fait vraiment en fonction de cette variété. Et on a réussi, je crois, à surmonter les difficultés. Complètement. On vous laisse prendre une grande inspiration, le temps de nourrir vos rêveries avec une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Oh, C'était Birthday Card, issu de l'album Out of the Box du groupe The Young Sinclairs. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pi. Et je reçois aujourd'hui Eric Serre, co-réalisateur et Candice Kohler du film d'animation Bonjour le Monde, qui met en lumière différentes espèces animales rendues vivantes grâce à la technique du stop motion. Alors on le disait juste avant la coupure, le film met en scène 10 espèces animales principales qu'on suit de leur naissance jusqu'à l'âge où ils deviennent adultes. Poissons, mammifères, insectes, oiseaux, on suit donc un martin pêcheur, un castor, une tortue cistude, une salamandre tachetée, un anax empereur, qui est donc l'autre nom donné à une espèce commune de libellule, une femelle brochet, un butor étoilé, une noctule de Leicester, qui est une chauve-souris, une femelle hibou grandu, qui est un grès bupé. Alors on le disait avant, vous avez voulu mettre en avant la diversité des espèces d'un même biotope. Mais comment est-ce que vous avez choisi? Est-ce que c'était difficile de vous mettre d'accord avec votre co-réalisatrice sur les 10 élus que vous alliez mettre en lumière? Bon, il y a bien eu des discussions, hein, parce que pour en trouver 10, déjà, il y en a beaucoup plus. On voulait en faire 56. Donc, il a fallu discuter. Bon, on a parlé tout à l'heure de la variété, bon, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a choisi 20 poissons, il faut en choisir un. Ben oui. Mais ça, on s'entend suffisamment, on va dire, pour avoir, lors des discussions, un intérêt. Tiens, celui-ci, il me fait penser à ça. Un peu comme au début de l'introduction, vous parliez de James Bond. Bon, ben, oui, tiens, ça me fait penser à un enfant dans une famille nombreuse qui... Donc, effectivement, on va choisir le martin pêcheur. On aurait pu choisir la mésange bleue. Ça aurait été... Qui fait plein de bébés. Ah oui, qui fait plein de bébés, mais ça, je voulais le faire. Mais voilà, il a fallu choisir et le martin pêcheur a beaucoup de séduction. Et je ne regrette pas. C'est un bel oiseau. Voilà, cette sélection a été faite avec voilà, un peu de temps, mais pas de difficulté principale. Et effectivement, il parle d'un biotope. Un biotope qu'on voulait aussi assez facile à observer. C'est-à-dire que c'est quasi à côté de chez nous. Oui, c'est des zones humides. En gros, voilà, c'est l'hémisphère nord dans l'ensemble, mais on sort de chez soi en France, n'importe où, même en zone méditerranéenne, on peut voir ces espèces quasiment. Donc, ce n'est pas difficile d'aller, après le film, voir les vrais animaux et se dire « Ah tiens, il y a des choses que je reconnais, mais il y a d'autres choses que je n'ai pas vues dans le film. » Et d'en savoir un petit peu plus. Moi, j'ai une question un petit peu difficile. Mais est-ce que vous avez un favori parmi tous ceux qu'on a cités? Alors, ou ceux qu'on n'a pas cités, parce qu'il y en a tout plein aussi, oui, qui ne sont pas les héros qu'on voit en arrière-plan. C'est la question difficile, mais c'est un peu comme des parents, on dit... Choisir les enfants. Choisir les enfants, on les aime tous. Après, effectivement, j'ai une affection particulière pour la tortue cistude et la femelle brochée qui m'a étonné en faisant l'histoire. C'était un épisode un peu âpre, un grand prédateur poisson. Qui est un peu effrayant aussi, avec un long museau, qui peut faire peur. Enfin, il a un petit peu des lits de faciès. Moi, j'ai toujours l'image de Merlin Enchanteur, où il y a le brochet qui essaye de gober les personnages dans le film. C'est vrai qu'il a une tête de méchant, le brochet, un peu. Et il a une tête qui dit ce qu'il est. J'ai des dents et je peux vous manger. Mais on apprend dans le film qu'un, il ne mange pas tous les jours. Que deux, il lui arrive aussi de regarder les choses sans manger. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans la série aussi. Tout à l'heure, on parlait de James Bond et des armes. Mais oui, ils se défendent, ils mangent, mais comme nous tous. Et il n'y a pas de morale dans la nature. C'est pas immoral, c'est amoral. Il n'y en a pas. Le gentil petit poisson devient le méchant poisson qui mange l'oiseau. Mais non, il n'est pas méchant, il mange son oiseau. Il a besoin de manger comme tous les autres. Voilà, par contre, le cinéma fait que quand je raconte une histoire, je vois un petit oiseau très mignon qui naît de son œuf, et si après je le fais manger par le poisson, il va avoir le sale rôle. Donc ça, on a essayé de faire attention dans les histoires pour que chaque personnage soit le plus honnêtement possible mis en scène. Sa fonction qui est de survivre malgré tout, donc on voit bien que c'est un peu dangereux des fois, et puis des fois c'est là pour le plaisir, donc je crois que c'est des histoires aussi qui nous parlent en tant qu'être humain et qui nous rassurent sur l'appréhension du monde. Complètement. Alors vous l'évoquiez, Bonjour le Monde, c'est à la fois un film de 60 minutes, mais aussi une série avec 10 épisodes de 9 minutes, donc qui met chacun en scène un animal, et qui a été diffusé sur France 5 au printemps 2019. Comment est-ce que vous avez fait pour jongler avec ces deux formats? Parce qu'il y a donc le film qui est sorti en salle et le format télévisuel. Alors, on a procédé d'abord en faisant la série, on a fractionné, on va dire, toute la documentation autour d'un animal, en se focalisant vraiment sur son processus de vie. Dans le film et dans la série, ça commence pareil. Et un jour, il naît. Et un jour, il part dans le monde pour découvrir le monde. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, pour pouvoir rentrer dans une grille télévisée, il faut correspondre à un format, oui, qui fait 9 minutes. Donc voilà, on a fait 90 minutes d'animation pour la télévision. Ensuite, cette série a été diffusée. La série a touché, on va dire, un public plutôt enfant par la télévision. Je n'ai pas de chiffres, mais bon, ça a été diffusé sur une chaîne nationale. Le cinéma, c'est la qualité de la série qui a fait qu'on a pu enfin porter notre film au cinéma. Et là, le distributeur qui s'appelle GBK Film, avec une équipe sensationnelle et un monsieur que je connaissais aussi, Marc Bonny, du temps de Kirikou. Donc, c'est des gens que j'avais rencontrés il y a bien longtemps, au début du processus. Et là, il se penchait sur nos petits animaux de papier. Donc, c'était la bonne surprise et on a monté un film de 60 minutes en refabriquant de nouveaux plans spécialement pour le film et en adaptant ce qu'on avait pu faire pour la série. On a changé les dialogues pour réinventer une histoire, pour pas tromper le public. Parce que le public du cinéma, il a le temps de voir les choses. Et il y a un public familial, il y a les parents, les grands-parents, les enfants. Donc, il faut s'adresser de manière différente au public. Donc, ça a été un nouveau montage, de nouveaux plans et un assortiment de ce qui existait. Et ces nouveaux plans, vous les avez faits entre la sortie de la série et la sortie cinéma? Ou est-ce que vous avez eu plus de temps? Non, on a tout fait à une vitesse extraordinaire. On était déjà formés, on va dire, par la série. Et il a fallu aller très vite pour sortir le film, en fait, en avant-première à Annecy. Donc, c'était cette année ouais. Donc, c'était en juin, c'est ça? C'est début juin, le festival d'Annecy. Oui. Donc pour, on va dire, faire un premier test et avoir le retour du public et des distributeurs. Le test a été concluant, le public a apprécié, nous a fait part de quelques remarques. Et on a pu, comme ça, avancer en quelques mois la fabrication de ce long métrage qui a été monté à Montpellier avec une monteuse, une grande professionnelle, Céline Kilipikis, qui avait aussi été la monteuse du film La Tortue Rouge. Complètement, ouais. Donc ça a été une vraie rencontre aussi, parce que le montage d'un cinéma, le montage de film, c'est un travail de fond qui a duré des mois. C'est l'étape qui a duré le plus longtemps. C'est ce qui donne le rythme au film, c'est très important le montage. Le rythme au film, ce qui fait qu'on comprend une histoire, un début, un milieu, une fin, des indices au fur et à mesure. Complètement. Mais alors, vous parlez d'avoir parlé en quelques mois, comme je le disais. Donc, le principe de Bonjour le Monde, ce qui fait aussi sa particularité, c'est ces sculptures en papier animées image par image. Alors, je vais vous demander quelques chiffres. Comment est-ce que vous avez fait pour abattre tout ce travail en si peu de temps? Combien est-ce qu'il y a de personnes chargées de l'animation, de la conception aussi des sculptures? Parce que vous le disiez, une sculpture, ça peut prendre plusieurs jours à être construite. Oui. Comment est-ce que vous avez fait? Alors, ça a été un travail de gamberge aussi, d'organisation. Ça, c'est le rôle du réalisateur et de l'équipe encadrante. Hein. On doit estimer le temps pour fabriquer. Une équipe, elle n'a pas été très, très, très grande. Hein. C'est une petite équipe. Il y a eu 12 artistes sculpteurs autour d'Annie Keller, qui était en charge, on va dire, de la supervision et de la fabrication et de la peinture des animaux. Moi, j'ai plutôt suivi la fabrication de l'animation sur les plateaux avec 8 animateurs. Donc ça a été un travail où chaque animateur avait un plateau différent. Il fallait passer d'un plateau à l'autre. Et chaque animateur avait son animal ? On a fait un casting en fonction de ça. C'est-à-dire que le caractère des animaux correspond au caractère des humains qui sont derrière. D'accord. Je crois que ça permet d'avoir un type de mouvement qui rajoute à l'animal une personnalité. Complètement. Donc, ouais, ces 8 personnes ont travaillé avec un rythme de 5, quand tout allait bien, 5 secondes par jour. 5 secondes, c'est ça, en fait. Par personne. Je pense qu'on se rend mal compte du travail. C'est, en fait, il y a la sculpture, on la bouge d'un millimètre, on fait une photo et ainsi de suite pour recréer le mouvement. C'est vraiment image par image. Oui, on photographie grâce à un dispositif de plateau et de caméra installé. Image par image, chaque photo est une position de l'animal. Et il a fallu faire 90 minutes d'animation. Il y a plus de 1000 plans dans la série et on doit être un peu plus dans le long métrage, ça a été plus découpé. Il y a des centaines de décors aussi, on parle des animaux, mais il a fallu fabriquer chaque végétaux. Qui sont aussi en papier. En papier. Peint. Oui. Et aussi naturaliste, c'est-à-dire que autant les animaux c'est compliqué et ça bouge et c'est compliqué, autant les végétaux c'est très compliqué en fait. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient réalistes ou parce qu'il fallait les reconnaître ? Leur structure en fait est plus complexe que les animaux. Les animaux c'est des boules, les végétaux c'est des surfaces planes qui se composent dans tous les axes. Et ça crée des structures complexes avec des milliers de feuilles. Donc imaginez, on n'a que 4 pattes, mais le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Donc c'est vraiment des objets complexes et qui ont été faits avec autant d'attention que les animaux. Pour la petite anecdote, en tout, il a fallu faire 110 marionnettes. Est-ce que j'imagine qu'il y ait plusieurs exemplaires en cas de casse en cas, ou pour... Non. Non. Y a pas, c'est que des originaux. D'accord. On n'a pas pu faire de prototype dupliqué. C'est vraiment le prototype seul. C'est-à-dire que le Martin Pêcheur, le héros, il y a une seule marionnette. Oui. D'accord. Et s'il est cassé, il fallait la réparer. OK. On n'avait pas le temps de fabriquer des doublures. D'autres, oui. Donc, c'est vraiment 110 marionnettes originales. Et, par contre, les animaux ont plusieurs âges. C'est donc, le petit hibou et l'hibou adulte, c'est vraiment une marionnette différente. Il y a d'autres sculptures moins complexes. En tout, on a fait 76 espèces animales différentes dans le film, qu'on peut s'amuser à les compter. C'est ça, il y a des plans où on en voit plein. Par exemple, sous l'eau, au tout début, avec le brochet, quand il est tout petit, on voit plein de créatures et il y en a partout. Donc pareil, au niveau de l'animation, ça veut dire qu'il y a autant d'animaux animés ensuite insérés sur le décor. Alors, on a des petites recettes pour aller plus vite, mais on anime bien quelques exemples de mouvements et ensuite, on peut les dupliquer. Par contre, ces 76 espèces animales, oui, on les a fabriquées. On a fabriqué une cinquantaine de végétaux et 4 espèces de champignons, puisque ce ne sont pas des végétaux. Il y a aussi des champignons. Et c'est vraiment une toute petite partie d'un biotope. Ça nous a pris des mois. Donc, rien que la recherche documentaire, pour trouver toutes les références pour les plantes, les champignons, pour les reproduire, ça devait déjà être un travail titanesque. Oui, et Anne-Lise, heureusement que son expérience naturaliste était ancienne de 20 ans, pour pouvoir être... elle était prête au moment de la fabrication de la série et nous a beaucoup transmis d'informations. On a été en contact avec des naturalistes, avec des scientifiques, des biologistes de terrain, des conservatoires d'espaces naturels. Et on a parlé tout à l'heure de la noctule de Lesler. Non, Lester. Pardon, Lesler. Toutes mes excuses. Et c'est une espèce choisie justement par le groupe de spécialistes des chauves-souris, parce qu'on ne la connaît pas beaucoup. Oui, parce qu'on connaît la pipistrelle, mais la noctule de Lesler, moins. Exactement. Donc on a voulu choisir, pour cet animal aussi un peu mystérieux, une espèce qui est peu connue. Et qui est adorable comme les autres. Qui est très mignonne. Oui. Comme beaucoup de chauves-souris, elles sont très mignonnes. Oui. Ça ne boit pas le sang la nuit. C'est ça. Et c'est vrai les vampires un peu, mais ils ne sont pas chez et nous. Et puis, ils sont quand même... ils sont quand même loin. Et puis, ils en prennent peu. Ils en prennent peu. Voilà. Donc, un travail vraiment du titan. Et les décors, pareil, vous en avez conçu combien ? Parce qu'il y a plein de... On voit aussi bien la rivière où se retrouve le grébupé, il y a la forêt où on voit la salamandre, il y a le... Moi, je suis très curieuse aussi pour toutes les scènes sous-marines aussi, parce qu'il y a l'effet de l'eau. Alors, est-ce que c'est recréé en post-production avec des effets spéciaux ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, ça, c'était vraiment pour le long métrage une nécessité. Il faut que nos milieux soient beaux, expressifs, qu'on comprenne quelle est la saison, est-ce qu'on est au ras de l'eau, est-ce qu'on est dans la forêt, sous l'eau. Donc là aussi, il y a un travail de peinture, un travail d'accessoires et d'effets spéciaux particuliers qui font vivre le décor. Les effets de lumière, de soleil, de la pluie, tout ça, c'est ça notre environnement. Et c'est pas un personnage, c'est un seul et même personnage, le décor. Et ce décor a été aussi fait de manière stricte, puisqu'on a respecté une discipline vraiment pour les animaux et les végétaux, les saisons. Quand l'animal naît, c'est à telle saison. Quand il a tel âge, c'est à telle autre saison. Il peut rencontrer tel ou tel animal. Et en ce moment, il neige ou en ce moment, il pleut plutôt. Donc ça, c'est vraiment des... On peut s'appuyer sur le film pour se dire « Ah bon, ça se passe comme ça. » Et le décor a un grand rôle à jouer sur l'émotion. Donc tout ce qui est aquatique, c'est des mondes mystérieux pour nous. Complètement. Y a des animaux qui passent de dessous à dessus. Eux, ils savent ce qui se passe dans l'eau. Et nous, grâce à la série, on sait un tout petit peu ce qui se passe dans l'eau. Et c'est une, moi, j'appelle ça une soupe de vie. On a représenté quelques petites espèces, mais il se passe dans ces milieux aquatiques des choses extraordinaires. Il y a des formes extraordinaires. C'est même des, la science-fiction, elle est mais à 10 000 lieues de pouvoir représenter ce que l'on découvre dans les microscopes ou avec des loupes binoculaires. Alors nous, dans le film, on rend ça un peu plus tangible parce que c'est très difficile à représenter. Donc ça donnera lieu à d'autres épisodes parce qu'on n'a pas pu tout dire. Donc vous avez encore des matériaux secrets qui n'ont pas encore été diffusés. Oh, il y a plein de choses, mais voilà, observer la nature, c'est une richesse que mon imaginaire n'a pas. C'est une source d'inspiration. Après, on raconte une histoire, on est égocentré, humano-centré, donc obligé de raconter quelque chose. Mais rien que d'observer quelque chose qu'on ne comprend pas, pour moi, ça me procure déjà un plaisir, mais ça me donne envie de savoir ce qui se passe. Donc, c'est une gymnastique et un plaisir en même temps. Tout un cheminement d'apprentissage. Alors, pour finir, ma dernière question. Je voulais savoir quelle était la suite de l'aventure Bonjour le Monde et si vous aviez d'autres projets dans vos tiroirs plutôt animaliers. Alors, est-ce qu'il y aura une suite à Bonjour le Monde? J'en sais rien. Ou une continuité. Tout ça, ce sont des stratégies commerciales qui m'échappent un petit peu. Ça dépend de l'intérêt du public. Ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. Anise et moi-même n'avons jamais, je crois, versé dans le commercial à fond. Donc, il faut vraiment que ça vaille le coup pour qu'on se refasse. Mais si vous avez d'autres histoires à refabriquer, des on a plein d'autres. Vous vouliez évoquer, vous n'avez pas pu placer. On aurait une cinquantaine au moins d'histoires d'un même niveau homogène à raconter. Et il y a des animaux qui sont apparus aussi. Là, on a choisi un biotope, mais on pourrait étudier la mer, on peut étudier la montagne, on peut étudier... Moi, j'aimerais bien étudier, par exemple, les milieux stépiques, que j'ai commencé avec le criquet. Parce qu'au milieu du criquet, y a d'autres animaux qui vivent. Puis on et ils ont un espèces, processus de vie particulier. Là, on a envie de travailler plutôt, si on a l'histoire et les moyens, sur des animaux comme les vers de terre, par exemple. Parce que c'est extraordinaire, rôle le rôle du vers de terre. Donc, redorons le blason du vers de terre. Et ça, on aimerait bien. Les animaux sociaux aussi sont intéressants, les insectes. Ça nous pose aussi des questions. Donc, si on peut, on continuera à travailler sur ces projets animaliers. Excellente nouvelle. Merci beaucoup, Eric, pour toutes ces explications sur votre métier si varié, sur la conception de Bonjour le Monde, et merci pour tout ce travail hors du commun. On a hâte de suivre et d'admirer vos prochaines créations. Ruez-vous en salle pour découvrir le film, visible dans tous les bons cinémas, et n'hésitez pas à suivre toute l'actualité du film sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook dédiée Bonjour le Monde. On finit l'émission avec quelques conseils lecture. Pour clôturer cette émission, je vous propose deux ouvrages, un beau livre et un album documentaire. Le premier s'intitule « Insectes, coléoptères » de Steve Jenkins et publié aux éditions Circonflex. Cet album de 33 pages propose de faire découvrir la grande diversité d'une des familles les plus prolifiques et plus originales parmi les insectes, les coléoptères. Le livre présente l'anatomie de ces insectes, mais fait surtout l'inventaire de toutes leurs particularités extraordinaires. Leurs organes sensoriels très développés, leurs accessoires, pinces, cornes et mâchoires disproportionnées, leur cycle de vie, leur alimentation, leur capacité à se camoufler ou encore à se défendre. Les textes sont courts, mais néanmoins instructifs et précis, non latins à l'appui. Et la grande originalité de cet ouvrage qui le place directement dans mes chouchous absolus, ce sont les illustrations. Elles sont nombreuses, vives et sont surtout entièrement faites à partir de papier découpé, grande spécialité de Steve Jenkins qui est devenu un modèle en la matière. Tout ceci contribue à rendre le livre très attrayant, je vous le recommande chaudement. Le second ouvrage s'appelle « Biomimétisme, quand la nature inspire la science » par Matt Fournier et paru aux éditions Plume de Carotte. Ce beau livre grand format de plus de 150 pages présente des innovations de la nature qui ont inspiré l'être humain pour créer de nouvelles technologies. Y sont évoqués le système de climatisation des termitières, la récupération de l'eau grâce aux sillons de la peau du Moloch, la colle des moules, la peau des requins qui inspire les combinaisons de plongée du futur, le bambou qui plie mais ne casse pas, la toile d'araignée qui résiste à presque tout, les écailles du pangolin ou encore les yeux anti-reflets des mouches. Chaque innovation est présentée sur une très belle double page, le texte à gauche avec un encart principal et plusieurs petits encarts très rapides à lire, et une page à droite avec une superbe iconographie qui associe des animaux naturalisés ou des plantes en herbier et des dessins crayonnés qui mettent en avant l'innovation évoquée. La plupart des spécimens sont d'ailleurs issus des collections du Muséum de Toulouse. L'ensemble donne un côté cabinet de curiosité très séduisant, un très bel ouvrage à mettre entre toutes les mains. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepi.com. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.